des pas résonnent dans le palais du Louvre. Un homme vêtu de rouge se faufile dans les couloirs. C'est la nuit, tout est sombre. Pourtant, il ne se prend aucune porte dans la poire. Ça alors, comment fait-il ? Nous sommes dans les années 1630. Cet homme, c'est le cardinal de Richelieu. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Homme d'église, homme d'État, travailleur infatigable. Matin, midi et soir, en se lavant les dents, en beurrant ses tartines, Richelieu n'a qu'un seul mot à la bouche. Le pouvoir. Cardinal, voyons, on vous écoute là. Le pouvoir. Son siècle est celui des tempêtes. Guerre, conflits religieux, révolte. La France n'arrête pas de gronder. Richelieu n'a pas peur. Lorsque le peuple se soulève, il chante et se bouche les oreilles. La la la la la la la la la la la. Qu'importe les obstacles, le cardinal poursuit son chemin. Il négocie, flatte, ruse. Ses yeux brillent d'intelligence. Toujours, il tire son épingle du jeu. Notre homme a un immense projet. Ce projet, c'est la grandeur de la France, celle du roi, sans oublier. Mais la sienne, pardi. Alors évidemment, le zigoto ne recule devant rien. Les têtes, s'il le faut, comme les dés, je les fais rouler. Vraiment, monsieur le cardinal? Oula! Eh bien, j'espère que la mienne, de tête, d'ici la fin de cette aventure, restera solidement attachée à mes épaules. Aux commandes du royaume pendant près de 20 ans. Voici l'Odyssée du cardinal de Richelieu, un homme au destin exceptionnel qui aimait, paraît-il, les chats, le fromage... Oh, pardon, excuse-moi, ça n'a rien à voir. Les arts et la grandeur de la France. Lorsque débute notre aventure, les nuages sont bien sombres dans le ciel de France. Depuis des années, le sang coule. Protestants et catholiques s'affrontent jusqu'à la mort. Le bon roi Henri IV, après bien des efforts, a réussi à rétablir la paix. Mais la paix, hélas, se paie parfois au prix fort. En 1610, le roi est assassiné. Son fils Louis XIII a 9 ans, il est encore trop jeune pour monter sur le trône. L'heure est grave. Grave, oui. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. Certains, comme notre Richelieu, savent transformer les crises en opportunités. En attendant que Louis XIII, notre futur roi, soit en âge de gouverner... Pense-t-il en caressant l'un de ses gros matous. Sa mère, la reine Marie de Médicis, va prendre les rênes du royaume pendant quelques années. Qui dit nouveau souverain, dit nouveau conseiller. Tu vois où je veux en venir, mon cher. Miaou, miaou. L'homme n'est pas encore cardinal. Évêque de la ville de Luçon, dans le sud-ouest de la France, Richelieu a 25 ans et il voit plus loin. Il est temps pour lui de passer à autre chose. De plus en plus souvent, il promène sa frimousse à Paris, au palais du Louvre. Lentement, mais sûrement, il se rapproche de la reine. Bingo ! Il devient son conseiller. Les années passent. Marie de Médicis continue de gérer les affaires du royaume. Désormais en âge de régner, Louis XIII, timide, bègue et maladroit, a bien du mal à s'imposer. Mon petit Louis, bon, le trône, je vais vous le garder encore un peu au chaud. Alors maintenant, reprenez-moi un peu de compote, vous verrez, ça vous rendra aimable. Le pouvoir, tu vois, elle n'est pas prête de le lâcher. Au contraire, pour assurer sa position et étendre son influence, Marie de Médicis fait entrer ses plus proches conseillers au gouvernement. Richelieu devient ministre de la guerre. Enfin, le voilà au cœur du pouvoir! Richelieu ne chôme pas. Il protège la reine-mère et les intérêts de la couronne avec ardeur, autorité et discrétion. Rendez-vous secret, alliance, trahison, il manigance, complote, tend des pièges, il jubile! Alors, avec tout ça, bon, Louis XIII, ce mollasson, terne et sans éclat, ouh, il ne s'en soucie pas trop. Erreur, Richelieu, erreur. Le mollasson s'apprête à prendre le contrôle. Depuis des années, Louis XIII, que dis-je, il bouillonne. Sa mère et sa bande de conseillers qui le tiennent éloigné des affaires pour imposer leurs lois, ah, il en a ras les hautes choses. Et même tiens, le jabot. L'heure des règlements de compte a sonné. Richelieu est forcé à l'exil. Il doit partir loin, loin du pouvoir, loin du Louvre. Blessé, humilié, notre héros broie du noir, son cœur saigne. Alors quoi? Il va jeter l'éponge? Oh non, sûrement pas. Richelieu s'accroche au pouvoir comme une moule à son rocher. Plutôt en avoir une miette que rien du tout. Oh, pauvre vieux, je comprends. Je fais pareil avec les sandwichs. Mais comment remonter la pente? Puisque le vent semble avoir tourné, ma foi. Mais il faut tourner avec lui. Le roi ne pourra pas rester fâché avec sa mère éternellement. Pense-t-il un matin, en caressant comme à son habitude, l'un de ses gros matous. Un jour, quelqu'un devra l'aider à se rabibocher avec elle. Tu vois où je veux en venir, mon cher miaou. Oui, exactement. Eh bien, ce quelqu'un, il faut que ce soit moi. Richelieu décide de jouer les agents doubles. Pour cela, il doit continuer de plaire à la mère, tout en gagnant la confiance du roi. Il se met à leur écrire des lettres enflammées. Avec la mère, il flatte. Il cajole. Avec le fils, il se montre aussi obéissant qu'un gentil petit mouton. Un peu lèche-botte, non, notre Richelieu? Oh oui, sans aucun doute. Mais tu sais quoi? Ça marche! Lorsque Marie de Médicis, furibarde, réunit une petite armée dans l'espoir de renverser le roi, c'est Richelieu qu'on appelle à la rescousse. Pétard, il fait du sacré bon boulot. Sa force de persuasion est immense. Grâce à lui, la reine-mère reconnaît enfin l'autorité de son fils. Ce malin de Richelieu est aux anges. Il a prouvé au roi son utilité. Qu'importe si ce dernier ne peut toujours pas le voir en peinture. La politique n'est pas une histoire d'amour. Le roi a besoin de lui et c'est encore plus fort. En 1622, Louis XIII le fait nommer cardinal. 2 ans plus tard, il le choisit comme principal ministre. Tu sais ce que ça veut dire? Richelieu a réussi son coup, le voilà aux commandes de la France. D'une main, il peut prier le Seigneur, de l'autre, écrire le destin du royaume. La tâche n'est pas aisée, la couronne est menacée. Richelieu fera tout pour la protéger. Pour devenir un grand pays, la France a besoin d'un grand roi. Mais, problème, la noblesse française est du genre rebelle. Les ducs, les barons, eux aussi veulent commander, diriger. Un jour ou l'autre, ils pourraient avoir envie de s'emparer de la couronne. Le cardinal sait ce qu'il lui reste à faire. Il faut mater la noblesse. Pour tous les rebelles, ce sera quick, quick. Crois-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'ils sachent tous désormais qu'il n'y a qu'un seul pouvoir en France et que c'est celui du roi. Un seul pouvoir? Ouais, non, pas si évident. Le pays est encore divisé par les guerres de religion. Catholiques et protestants continuent de s'affronter. Depuis des années, la ville de La Rochelle, aux mains des protestants, se bat contre l'autorité du roi. Richelieu, évidemment, n'aime pas ça. Au nom du Christ, tirez! Que les protestants prient comme bon leur semble, je m'en fiche. En revanche, je les veux aussi inoffensifs qu'une minuscule, alors minuscule petite tortue. Louis XIII, de son côté, commence à faire les gros yeux. 6 ans que ça dure, Richelieu. Que diable! Finissons-en! En finit? Ouh, qu'il se rassure. Richelieu n'a pas prévu de faire dans la dentelle. En 1627, le cardinal assiège la ville. Il fait creuser un immense fossé et une grande digue qui l'isole entièrement. Plus personne ne peut entrer ni sortir. Privés de nourriture, les habitants crient famine. En 1628, La Rochelle, grand bastion protestant, rend les armes et se soumet enfin à l'autorité du roi. Pour Richelieu, la victoire est éclatante. Évidemment, il ne compte pas en rester là. Votre Majesté. Glisse-t-il un jour au roi, avec une voix toute pleine de miel. Il faut maintenant faire de la France une grande puissance en Europe. Voyons, voyons. Comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, par la force. Tout simplement. En 1635, le cardinal entraîne le royaume dans une grande guerre contre l'Espagne et l'Autriche. Très vite, les caisses de l'État sont vides. L'argent, je sais où trouver. Pour financer la guerre, Richelieu prélève de lourds impôts. Dans les campagnes, les ventres se creusent. Les paysans ont faim. Plusieurs fois, le peuple se révolte. Richelieu ne flanche pas. Alors, avec tout ça, bon, c'est sûr que le cardinal n'est pas vraiment la personnalité préférée des Français. Il s'en moque. Notre homme, déjà, pense à sa succession. Qui pourra, après moi, protéger la couronne? Alors, il y a bien ce Jules Mazarin, mon petit protégé. Oui, peut-être, on verra. Prendre sa suite? Oh, ce jeune ambitieux en rêve. Pour se mettre le cardinal dans la poche, Mazarin compte bien mettre le paquet. Reste à savoir. Comment? Richelieu veut impressionner, éblouir. Depuis qu'il est au pouvoir, il s'entoure de somptueuses œuvres d'art. Alors, pourquoi ne pas lui offrir un portrait? Un portrait de lui en peinture? Non, mauvaise idée. Richelieu contrôle son image et n'autorise qu'un seul peintre à le représenter. C'est beaucoup trop risqué. Alors, peut-être une sculpture? Mais oui, c'est parfait! Le travail de la pierre, si long, si difficile, si cher! Seuls les plus grands y ont droit! Mazarin choisit le sculpteur le plus réputé de son temps. Il est italien, il vit à Rome et s'appelle Bernini. En français, le Bernin. Cette sculpture, crois-moi, mamma mia, c'est toute une histoire. Mazarin demande à l'artiste de réaliser une statue complète de la tête aux pieds. Le Bernin est interloqué. Et même les rois d'Angleterre, je ne l'ai pas sculpté en entier. Et je ne vais tout de même pas faire mieux pour votre Richelieu. Andiamo, andiamo. C'est parti pour un buste. Voilà, on fait la moitié. Le Bernin, qui n'a jamais rencontré le cardinal, travaille à partir d'une peinture. Un an plus tard, enfin, il envoie son œuvre à Paris. Parvenu en France, catastrophe, horreur, malheur. Personne ne reconnaît Richelieu. Oui, le tissu est bien fait. Oui, le col est délicat, mais l'expression du visage, alors ça, franchement, c'est raté. Il ne faut pas vexer un aussi grand sculpteur, mais le cardinal, tout de même, se demande. Mais cet artiste, dis donc, est-ce qu'il a bien les yeux en face des trous? Zut, Mazarin a raté son coup. Ce n'est pas très grave, plus tard, il se rattrapera. Aimable avec ses chats, cruel avec les hommes, qui était le cardinal de Richelieu, ce méchant de l'histoire, si vif, si rusé? Il rêvait de la grandeur de la France, qu'il a dirigée et contrôlée avec une main de fer. N'empêche, il a bien transformé le royaume. Sous sa direction sont apparus l'Académie française ou bien encore les premiers journaux. Travailleur acharné, il a tant arpenté les couloirs du palais du Louvre que son fantôme, qui sait, s'y promène encore. Derrière cet épisode, il y a Fanny Leroy, Anne Liorot, Basile Bocquer, les équipes du Musée du Louvre et moi, Laure Grand-Besançon. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. Le fameux buste de Richelieu, sculpté par le Bernin, est aujourd'hui exposé au Musée du Louvre. Si tu vas le voir, regarde bien sur sa cape l'avant-dernier bouton. On dirait qu'il va se défaire. C'est un tout petit détail, mais crois-moi, ça vaut le détour.